Laisse le passé. Ensemble? L'Éternel est. Ouais. Il est grand, il est très digne de louange. Vous savez, Dieu, on peut y dire ça, tu es très digne de louange. Moi, je vois, ma femme a pu venir me voir et elle dit, « Hey, Benoît, hein, Benoît, tu es vraiment beau. Hein, tu es beau. » Ben, elle n'est pas menteuse. Hein? Mais ça me dirait, « Tu es vraiment très beau. » Oups! Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Hey! Hein? Hein? Dieu, on peut y dire, t'es très digne. Parce que lui, il n'a pas d'orgueil. Hein? Il n'en a pas. Hein? C'est important. On peut prendre plein de choses. Dieu, là, il n'y a pas un adjectif qu'on peut vraiment le contenir. Hein? Tandis que moi, il y en a plusieurs qui peuvent m'agresser. On va parler de l'orgueil aujourd'hui. Vous vous souvenez, ça a commencé un peu cette semaine, hein? Vous savez, je suis pas vraiment en forme dans ce temps-ci. J'ai de la misère, hein? C'était plutôt tranquille, hein, physiquement, plutôt instable. Là. Fait que Gilles, cette semaine, il m'appelle, il communique avec moi pour avoir de mes nouvelles, hein, comme presque à toutes les semaines. Là. Puis il me mentionne que c'est mon tour d'amener la parole. Il dit, t'es-tu capable? Puis tout ça, mais je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Mais là, je dis, je pense pas de continuer dans Jean. Je vais peut-être prendre des méditations que j'avais commencé à préparer pour dans ma bergerie. Et vous les amenez, les mettre ensemble, là. Ça fait beaucoup de pages, là. Je pense qu'il va falloir que je fasse un screen là-dessus aujourd'hui. Fait que c'est ça que je pensais à faire avec vous ce matin. C'est sûr que les méditations, c'était la suite de Jésus qui lavait les pieds à ses disciples. Je rouvre, m'en va chez Métro. Il y avait les patates en spécial. Je roule le sac de patates. Avez-vous la patate que j'ai trouvée? Hein? Ça, c'est la main à Jérémy. Tu mets ta main, Jérémy? Étais-tu grosse? Ça, on appelle ça une patate. Hein? Fait qu'on dirait que, hein, mes amis, je pense qu'il faut que je parle du cœur aujourd'hui. Hein? On dirait que Dieu m'a amené par là, hein? Fait qu'on va commencer quand même parce que qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? Ça m'a quand même touché, puis je pense que c'est qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est les frères de Jésus, hein? Le texte nous dit après cela. C'est pas clair, hein? Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée. Parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs était proche. La fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici, va en Judée, afin que des disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères ne croyaient pas en lui. Hein? Ses frères sont embarrassés. Sont d'apparaissés. Avez-vous déjà resté avec un frère qui est parfait? Hein? Qu'est-ce que ça fait rester avec quelqu'un qui est parfait? C'est comme un miroir, hein? Puis des fois, on n'aime pas bien ça. Ils sont tannés de la situation. Ils ont vu, hein? Ils ont vu les miracles de Jésus. On a vu plusieurs dans l'Évangile de Jean. Ils ont vu les miracles. Mais ils sont comme partagés, hein. Il y a l'impression que produisaient les miracles, que les doutes qu'ils ont eux autres. Les doutes de leur cœur charnel, hein. Ça coûte, hein. Ça coûte de suivre Jésus-Christ. Il y a un prix. Ça coûte. Suivre la parole de Dieu, il y a un coût à ça. Puis, humainement, là, je veux pas suivre faire ça. Savez-vous qu'est-ce que c'est? Ça. C'est un? Ouais. Ouais. C'est un papillon qui lutte avec sa chair. Sa vieille peau. Sa vieille nature. Hein? On ressemble à ça, trouvez-vous? Hein? Il y a un nouveau cœur qui veut se développer. Mais il y a l'orgueil qui nous enveloppe. Qui nous brasse. L'orgueil. Le mot t'a dit orgueil, hein? On lutte avec ça tous les jours. Tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Ben, il faut toujours être sous nos gardes avec ça. Faut être toujours capable d'identifier, d'être alerte avec ça. De chercher les traces en nous de cet orgueil-là. Il veut prendre toute la place. Ça nous colle après. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont pas orgueilleuses? J'aurais pu poser la question au contraire. C'est ça qu'on va regarder un matin, la question qu'on va poser. Hein? Comment un être humain qui est orgueilleux de nature? Hein, on est tombé dedans comme Obélix quand on était petit. Qui est centré sur moi. Tout le long, hein, c'est à moi que je parle. On devient un humble serviteur. À l'image de Jésus. Comment est-ce qu'on fait ça? À l'image de ce que Dieu nous a fait. Un chrétien qui aime Dieu. Un saint qui aime ses frères et sœurs. Un bien-aimé qui aime son prochain. Hein? Comment on passe d'un être orgueilleux à un humble serviteur? C'est une bonne question, hein? Qu'est-ce que ça prend, vous pensez? Qu'est-ce que ça prend? Ça prend un miracle. Ça prend un miracle. Ce miracle-là, tous les jours. On peut pas faire ça tout seul. C'est l'œuvre de Dieu. Oui, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Comme ses frères, hein, on a beau vivre avec lui, connaître tous ses miracles. Mais on est incrédule des fois. On lutte avec notre chair. Le vrai début de ma méditation, là, ça a commencé, savez-vous où? Le midi, chez moi, dans la journée. Une émission qui passait à TV, ça s'appelle Les Pierres à Feu. Hein? Vous connaissez les Pierres à Feu? Hein? Connaissez-vous la fin des Pierres à Feu? Hein, la fin des Pierres à Feu, là? Hein? Fred s'est fait jeter dehors. Ils sont au cinéma, au ciné-parc, hein? Ils s'en vont manger un Bronco Burger, et après ça, ils s'en vont chez eux. Il rentre toute sa famille. Il sort la pinte de lait. Après ça, il sort la bébite. Elle met dehors. La bébite, elle rentre, elle pogne Fred, puis elle la met dehors. Hein? Dehors, Jésus-Christ. Hein? Fait ça souvent. C'est ça, la bébite, là, c'est notre orgueil. Ça marche pas avec lui. On le met dehors. À partir de ce moment-là, là, on est automatiquement débranché à la source. Puis quand on est débranché à la source, qui est Christ, on est centré sur... Ouais. On gobe le mensonge, hein, qui a été dit à Adam et à Ève, hein. Vous serez comme Dieu. Vous allez décider ce qui est bien. Vous allez décider ce qui est mal. Y a-t-il quelque chose qui a changé dans la société? On est des êtres indépendants. On fait une étude à notre bergerie cette semaine, c'était Josué. Hey. Josué 5, Josué 6. Dieu parle à Josué. Il y a une ville à abattre. Ils font exactement tout. Qu'est-ce que Dieu dit? Jéricho tombe. Paf! Pourquoi? C'est Dieu qui l'a battu, cette ville-là. Tout de suite après, ils vont plus à Dieu. Il y a une petite ville environ à 40 kilomètres en haut, elle s'appelle Aïe. Aïe. sont fait massacrer, 36 morts. Ils reviennent à Dieu, ils se tirent du sable sur la tête. Hein, on fait ça des fois. C'est que j'ai fait! Il y avait une bébite de cachée. Il y avait une idole, il y avait un interdit. Ils ne sont pas allés voir Dieu. On est libre de faire de ce qu'on veut, hein? Son désir pour moi, son désir pour nous. Bah, c'est moi le premier, souvent, ce qu'on peut se dire. Les prémices pour lui, après ça, on récolte des défaites. On est très malheureux. Hein? Pensez au fils Bratig. Il voulait aller voir ailleurs. Il est revenu. Hein? On a fait un chant tantôt. Hein? On revient à Jésus-Christ. Hein? Mais la source de notre problème, souvent, c'est notre indépendance, hein? Notre orgueil. Je me suis posé la question avec Fred. Là. Combien de temps que je prie pour vous? Si j'arrête juste à prendre le temps de prière que je prends pour me laver, me brosser les dents, prendre un petit déjeuner, là, ça achèterait déjà un changement dans notre vie. Hein? Oui. Quand on met Dieu dehors de notre vie, qu'est-ce qui se passe? On devient centré sur nous. Il y a quelqu'un qui dit qu'on est égocentré. On s'aime. Hein? C'est pas la pensée de Dieu, ça. C'est pas pour rien que des fois je suis malheureux. Je me demande pourquoi. J'ai lu de quoi à un moment donné. Il y a comme deux types de personnes. Hein? Il y en a que c'est des boss, c'est des chefs. Hein? Je suis le maître. Je m'assois sur le sofa, je m'assois sur le divan. On exige que tous les autres me servent, me remplissent de tout ce qu'on n'a pas. Tu sais, j'ai déjà été un boss. On chiale, on manipule des fois les personnes. J'exige, je blâme, je suis indifférent, je boude. Je tiens les autres responsables de mon bonheur, de mon malheur, de mon confort. Je dis de l'autre. Le Canada, c'est des carpettes. Hein? C'est des tapis. Je suis courbé devant la créature. Dépendant, dominé. Je me laisse passivement brimer, critiquer, blâmer, démolir. J'ai le goût de plaire. Je veux plaire aux autres. Je veux être apprécié. Je suis de l'autre aussi. Je suis centré pour moi. Qu'est-ce qu'on devrait être? Un vase rempli. Oui, de l'amour de Dieu. Un vase rempli des valeurs qu'il nous a données, puis qui déborde les autres. Des fois, je me sens comme un vase vide. Hein? J'essaie d'extirper un peu des affaires. On est dans une guerre. Satan, là, il m'aime pas. Il veut ma destruction. C'est une lutte. Quand je suis débranché de la source, la solution, c'est quoi quand on est débranché? C'est se brancher, hein? Se reconnecter à la source. Peux-tu vous dire que j'en ai connecté du monde dans ma vie? C'était mon métier, connecter du monde. Tu es un expert là-dedans. Il y a un problème, c'est impossible. C'est impossible à l'être humain de se sauver lui-même, de se reconnecter, de se brancher à Dieu. On est fait. On peut pas se brancher à Dieu. C'est brisé. Non seulement on s'est séparé de Dieu, mais Dieu s'est séparé de nous. Il peut pas voir le péché. Ça prend un miracle. Ça prend Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme, il est venu habiter avec nous, il a marché avec nous, il nous a rebranchés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on dit? L'Éternel est... Hein? C'est ça. On peut être rebranché avec Dieu en allant à Jésus-Christ. Jésus est venu sur la terre. Pas parce que je l'ai voulu. C'est son initiative à lui. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de donner des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, pas de moi, pas de ma chair, pas de l'homme, mais de Dieu. Hein? Il a fait de nous un homme nouveau. Allez dans 2 Corinthiens. On va y aller parce que c'est pas assez clair. 2 Corinthiens 5. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. C'est un homme nouveau. Il a été recréé. Hein? L'ancien état est dépassé. Ce qui était autrefois est disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Tout cela, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. Quand j'essaie par moi-même, ça ne marche pas. Il nous a réconciliés avec lui-même par le Christ. Il nous a confié le ministère de la réconciliation. Pourquoi, Seigneur, que quand je t'ai accepté, là, ça fait un petit bout de temps, plus que 30 ans, en 80, pouf! Je ne suis pas tombé en présence de Dieu. Parce qu'on a une mission. Avant, je connectais des gens au réseau électrique. Aujourd'hui, mon ministère, notre ministère, c'est quoi? C'est d'amener les hommes, les femmes, les enfants à se connecter à la parole de Dieu. De les amener à Dieu qui rencontre Jésus-Christ. Hein? C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sous nos lèvres. Il nous a chargé de proclamer publiquement, puisque nous en avons reçu la mission. Nous parlons donc en ambassadeur du Christ. Romains 5 aussi, 10, peut-être plus clair là. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes rebranchés, échangés un peu avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Il y a plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec lui. Il nous a écrit ces choses pour qu'on croie que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Mes frères, mes sœurs, on est rebranchés à la source de la vie, du bonheur, de l'amour, de la joie, de la paix. Avant ça, on était débranchés. On était laissés à nous-mêmes, puis on récoltait ce qu'on semait. Maintenant, Jésus, on a accès à cette source-là. Alors, pourquoi je suis malheureux des fois? Pourquoi que je suis pas heureux? Je suis pas heureux le lendemain. Vous savez, pour les frères de Jésus, là, c'était difficile de vivre avec lui. Savez-vous pourquoi? Parce que ça brasse. Ça brasse en mots, t'as dit. Étant sur le réseau électrique au Verdelat, là, je peux vous dire que dans la forêt de la montagne à Saint-Paul, là, ça brassait pas à peu. Les arbres me tombaient toutes sur la tête. Hein? Puis là, pouf, on déconnecte. Elle transforme saute. Mon cœur débarque. Change de traque. Pour ça, je suis malheureux. L'ennemi nous brasse. Puis après cela, on commence à s'écouter au lieu d'écouter par Dieu. Mais sache qu'à l'intérieur de toi, là, l'Esprit de Dieu, quand tu s'abrases de même, là, ton cœur est toujours là, là. Ton cœur qui aime Dieu. Ton cœur d'humble serviteur. Ton cœur qui veut mettre l'orgueil de côté. Puis qui compte sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur Papa. On n'est pas orphelin. C'est juste qu'il faut aller au bout de nos ressources. Il faut gratter. Jusqu'au bout, il faut lutter pour que ce cœur-là gagne. C'est pas facile. Parce que moi, Benoît Saint-Jean, un d'un serviteur, mais j'ai pas vu quand j'étais plus petit que ça, que je jouais au football, comment j'étais agressif, orgueilleux, battre les Anglais, tabarouette, hein? C'était un homme comme moi, pourtant. C'est tough. C'est tough, la vie. Seul. Ça rebasse, oui, dans nos vies, ouais. C'est juste, j'ai quelque chose à vous laisser, frère. C'est, il faut déclarer la guerre à cet orgueil-là. Continuellement. Chaque jour. Je parle pas de la solution, là. On a toutes nos affaires qu'il faut régler. Je parle du cœur. On a toutes des affaires qu'il faut régler. Il faut les régler. Mais ton cœur, il faut que tu le protèges. Il faut qu'il soit avec Dieu. Puis j'aimerais bien te dire que c'est réglé. C'est instantané. Je nais de nouveau. Je reçois un nouveau cœur. J'espère ne pas en avoir un autre la semaine prochaine. Là. Mais c'est pas automatique. Tu ne feras plus rien de mal? Non. Oui, tu vas en faire encore. Rien qui te déplaît à Dieu. Tu vas seulement faire le bien, ce qui est bon, parfait. Aucune lutte, aucune tentation. Les tentations rebondissent sur toi comme sur le dos d'un canard. Je suis plus atteignable. Non, ça marche pas comme ça. C'est toujours à recommencer. Ça marche pas de même. Des fois, tu te retrouves un peu pas mal comme au début. Tu gagnes Jéricho puis tu perds. Aïe. Puis là, t'es découragé. C'est là le problème. Quand on se décourage, là, c'est parce qu'on va pas à Christ. Faut pas se décourager. En plus, dans une église où il y a plein de gens comme toi qui luttent avec l'orgueil, aïe aïe, l'indépendance envers Dieu. Jésus est à la tête de l'église, hein? Ça prend un changement à l'intérieur, oui. On est humain. Puis on a l'Esprit de Dieu. Fait qu'il faut se bagarrer. Vous savez, je suis pas parfait, hein? Loin de là. Loin de là. Je prie pas assez, je vous l'ai dit tantôt. Je suis indépendant. Je suis pas parfait comme berger. Je suis pas remarquable comme Marie. Je suis pas impeccable comme papa. Puis j'étais pas irréprochable comme enfant. Il y a personne dans l'Église qui est parfait. Personne. Je pense qu'on a compris. Vous d'accord? Ça, Jésus est parfait. Nous, on est humains. Puis on combat notre ancienne créature. Puis c'est pas vrai. On n'est pas seulement qu'humain. On est un être spirituel. On connaît Dieu. Il faut se battre. Il faut pas se décourager. On est dans un processus, hein? Dieu veut que l'on dépende de lui. Pas qu'on accepte le Seigneur. À chaque seconde. Oui, hein, on veut aimer Dieu, tout ça. Mais dans notre processus, ben, notre cœur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut se pardonner, hein. S'aimer, s'encourager, être patient, être humble. Il faut se dépouiller de notre chair. Dans Romains 6:6, ça dit, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. » Il faut apprendre à nous dépouiller. Vous savez, dans ce temps-ci, je suis pas mal souvent avec ma femme. Hein? On a vraiment du bon temps. Jusqu'à temps qu'elle me sorte des mots, elle dit « bas parcé ». Avez-vous ça, des fois, vous autres, des hommes, des bas parcés? Moi, on t'a dit, je veux pas qu'elle jette. Je l'aime, ce bas-là. Hein? Mais il faut l'acheter. Fini. Hein? J'aime moins ça quand elle m'approche et qu'elle me dit que j'ai une mauvaise attitude. Hein? Je pogne les nerfs. Ça, c'est quoi? Comment est-ce qu'on appelle ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? Quelqu'un qui fait ça? Hein? Mais il faut enlever ça. Hein? Il faut mettre ça de côté. Il faut dire non à ça. Essayez ça cette semaine. Essayez ça. D'identifier l'orgueilleux en vous. Hein? Fouillez comme un petit bonhomme avec une... Pas comme Sherlock Holmes. Hein? Fouille. Puis quand que tu l'as fouillé, là, sors ta maillotche, là, puis aille comme réflexe, tu sais, quand tu te fais donner un coup sur le genou, là, pic! Hein? Non! Non à l'orgueil. Vous allez vous éviter un paquet de troubles, un paquet d'angoisse, un paquet d'amertume. Non! Il faut les partager, nos luttes, avec nos frères et nos sœurs. Pour qu'ils prient pour nous. Non, pour qu'ils jugent. Savez-vous qu'est-ce que ça fait à la prière? C'est qu'on ne peut pas l'expliquer. Tangiblement, humainement, je ne suis pas capable de l'expliquer. C'est spirituel. Dieu, il répond, là. Le groupe le sait, mais on ne sait pas comment le dire. On demande ça. Seigneur béni. Ça, ça nous amène à notre cœur soit près de lui. Mais il faut le chercher. Il faut partager nos luttes. Il faut dire non à l'orgueil. Puis quand on se dévêtit, qu'est-ce qu'on fait? On ne reste pas tout nu. Il faut se revêtir. Dans Colossiens, c'est un texte qu'on a pas mal regardé. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous. De quoi? D'entraide, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Je n'ai pas à défendre ma cause. Hein? Je n'ai pas à prouver qui que ce soit. Nous sommes des élus de Dieu. C'est à Dieu qu'il faut que j'aille. C'est pas à moi. C'est pas à mon mari, c'est pas à ma femme, c'est pas à mes frères, c'est pas à ma sœur, c'est pas à ma job, c'est pas à mon berger. C'est à Jésus-Christ qu'il faut aller. Je suis en pleine sécurité avec lui, parce qu'il m'aime. Je vais être influencé seulement par sa parole, pas par mes feelings. Avoir un esprit d'humilité. Pas à pas, hein? Tranquillement, c'est un processus. Il faut s'encourager. Il faut servir des promesses hein, de Dieu. Dans la psaume 23:4, il dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 26:3, « Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. » Tu es avec moi, dans ta vérité. Il boit au torrent pendant la marche. Le Seigneur nous donne les eaux vives. Hein? Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Il est capable de nous ressusciter. Hein? Quand je marche, quand je me couche, n'importe où, tu me connais parfaitement. Psaume 139:3. Il faut obéir à sa parole aussi. Hein? C'est clair, ne marchez pas plus selon la chair, mais marchez selon l'esprit. C'est un combat, il faut enlever notre ancienne façon orgueilleuse d'agir, puis de se revêtir d'une nouvelle façon, l'humilité. Puis c'est pas facile quand c'est moi qui veux le faire. Le Seigneur ne nous juge pas, hein? Il nous aime. Quand on a un nouveau cœur, on peut décider de mettre notre vieille nature, cette vieille peau-là, à la poubelle. Puis de décider de vivre une vie qui honore notre mère. Hein? Puis des fois, t'as de la misère. Tu tombes. Tu vas aller voir ailleurs. T'as de la misère. Comme le fils prodigue. Qu'est-ce que son père l'a retenu? Vas-y, mon gars. Faites-toi la solide. Des fois, on va au bout de notre misère. Hein? Hein? Pour enfin comprendre, hein? Que de revenir à notre père. Hein? Comment un orgueilleux de nature devient un humble serviteur? Mais c'était ma question au début, hein? Mais ça prend un miracle. Un changement de cœur. Puis il faut que ce cœur-là, on le laisse battre pour Dieu. En restant en communion avec lui. Pas à pas. Il faut enlever les gens bêtes qu'on peut recevoir. Les voir. Satan qui veut nous faire chuter. Hein? J'ai un bel exemple de cas. Je vais me lâcher moi, là, puis je vais prendre quelqu'un d'autre. C'est Pierre. Vous connaissez l'apôtre Pierre? Y avait-tu des traces d'orgueil dans ce tombe-là? Hein? Avais-tu des traces de saint aussi, d'être un frère dans le Seigneur? Hein? Écoutez, dans Matthieu, il fait sa déclaration de foi. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, que ce n'est pas toi-même qui tu dois trouver cela, c'est mon Père Céleste qui l'a révélé. Jésus fait même une promesse dans Matthieu 16, versets 15 à 19. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Hein? C'est que Jésus est le Messie. Est-ce qu'il y a des traces d'orgueil? Dans Jean 13, on va le voir plus tard, là, mais je vais vous le lire. C'est Pierre qui réplique à Jésus, il dit, non, là, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. Oh, non. Non. Pourtant, Jésus lui répondit, « Je te lève pas les pieds, il n'y a plus rien en commun entre moi et toi. » Simon-Pierre lui dit, « Dans ce cas, je me lave pas seulement les pieds, mais toute la tête, les mains et la tête, partout. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné entièrement est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds, d'être humble. Or vous, vous êtes purs, mais pas tous. » En parlant de Judas, hein? C'est intéressant. L'Esprit n'est pas arrivé encore. Là. Puis Dieu, il déclare qu'ils sont purs. Est-ce qu'il y avait des traces de son ancienne nature? En Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à se faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, ayant pris la part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur. À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Jésus dit, « Wow, attends, là, ça marche pas ton affaire. » Inquiète-toi pas, Jésus, je suis là. T'es en bonne main avec moi. Il veut sauver le sauveur. On est un peu comme ça des fois, hein? Je vais le faire à ta place, un homme. Puis quand ça ne marche pas, on va faire comme Josué, on va me tirer la terre sur la tête, on me cacher la terre. On va brailler. C'est une caricature, mais c'est stupide d'orgueil, hein? Jésus, hein? Les frères de Jésus, qu'est-ce qu'ils disaient? Jésus, descends à Jérusalem, on l'a la solution, nous autres. Fais comme ci, fais comme ça. L'orgueil. Pierre en avait de l'orgueil, hein? Dans Matthieu 26, Pierre lui dit, « Hey, même si tous les autres t'abandonnent, même si tous les autres t'abandonnent, moi, je t'abandonnerai jamais. » Qu'est-ce qu'il dit Jésus? « Hey, le coq va chanter, tu m'as renié trois fois. » Pierre lui a répondu à ça, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Moi, ce qu'on appelle ça, il y en a des traces d'orgueil. Dans l'Épître aux Galates, Paul, il parle, l'Esprit de Dieu, par Paul, parle de Pierre. Il dit, de Pierre, savez-vous quoi? Tu es une colonne dans l'Église. C'est une colonne dans l'Église. Il a reçu l'Esprit, puis c'est une colonne dans l'Église. Puis un petit peu plus loin dans le deuxième chapitre de Galates, Paul leur apprend puis il dit, « Hey, t'étais là, puis quand les Juifs sont arrivés, t'es parti. T'as eu peur, t'as fait de l'hypocrisie. Hein? En plus, t'as entraîné Barnabas. Est-ce qu'il y a de l'orgueil là-dedans? » Une colonne dans l'Église qui est encore pognée avec cet orgueil-là. C'était grave en plus, hein? Il a entraîné d'autres. Quand on laisse l'orgueil se promener, là, puis qu'on n'a pas une embûche, mais ça a des conséquences. Allez dans Matthieu 26. Ben, je ne suis pas sûr que ça sorte bien, là. Non! OK. Donc, c'est dans 1 Pierre. Puis qu'est-ce qu'il écrit Pierre après? Allez dans 1 Pierre, chapitre 5. Excusez, je suis quelque chose que j'ai fait que ça n'a pas marché. 1 Pierre écrit ça. Hein? Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Car l'Écriture déclare Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous sa puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il l'a fixé. Il y a des traces de sa nouvelle nature, hein? Ça nous encourage beaucoup. On va terminer avec Matthieu. Non, pas tout de suite. Qu'est-ce qui est arrivé quand que Jésus a passé dans le dortoir et a regardé Pierre? Puis que le coq a chanté. Hein? Pierre se souvient de ce que Jésus lui a dit. Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se glissa dehors. Il est allé se pendre? C'est ça qu'il a fait? Non, il est allé mettre une bombe pour protester contre le piège puis contre les gens qui sont pas contents. Non, il est allé dire, il est allé dans la chambre haute, là. Il a rencontré son monde puis il a dit que c'était la faute de ses parents, de sa société, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Hein? Ouch! Hein? Ouch! Quel orgueilleux j'ai été. Hein, j'ai renié Jésus. Quand vous, hein, j'avais juré, en plus, il avait juré. Quand ça brasse, vous savez quand ça brasse, c'est tough la lutte. Si on veut le faire avec notre chair, hein? Habituellement, qu'est-ce qui se passe quand on fait avec notre chair? Bien, on perd. Mais il s'est rappelé de quelque chose. Il s'est rappelé que Jésus, quand c'est tough et qu'on a de la misère, là, il faut se rappeler la parole de Dieu. Hein? Jésus, il avait dit ça, il dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, Simon. J'ai prié pour toi, Benoît. Vous pouvez mettre votre nom. Afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Ça va être ça le titre, Omar. Quand tu seras revenu à moi. Omar nous a demandé qu'on lui dise le titre pour qu'il le mette sur le bloc. Il faut continuellement revenir à lui. Parce que naturellement, on change notre trac. Hein? Ensuite, Jésus a ressuscité. Ressuscité. Il paraît aux apôtres. Pensez-vous que Pierre était gros dans ses culottes? De rencontrer Jésus? Il l'avait fait, là. Et Jésus veut le libérer de son orgueil. Allez dans Jean, chapitre 21, verset 15. On fait ça vite, là, parce que ça passe. On dirait qu'il teste. Jésus veut vraiment faire de quoi avec lui? Hein? Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Oups! Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » « Oui, Seigneur, je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brésils. » Puis il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il a demandé une troisième fois. Puis il dit, « M'aimes-tu? » Il dit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Mais paix, mes brebis. Hein? » Trois questions. C'est comme trois reniements. Hein? Comme pour réparer. Comme pour donner la chance à Pierre d'être libéré de son péché, pour qu'il comprenne. Je ne sais pas si c'est ça, là, mais c'est ça que j'ai senti, là. Que j'ai compris. Est-ce que le Seigneur a besoin de nous répéter trois fois la même chose avant qu'on comprenne? Le nombre de fois que tu voudras, Seigneur, hein? Le nombre de fois que tu voudras. Avec la question, c'est ça, hein? Benoît, m'aimes-tu? Qu'est-ce qu'on peut dire? Tu peux mettre ton nom, là? Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Persévérer dans l'enseignement des apôtres, hein? Dans la parole de Dieu, dans la communion paternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. Allez! Faites de toutes les nations des disciples. S'il nous demande son amour, c'est pas pour rien. Mais on fait pas ça avec un cœur orgueilleux. On fait ça avec un cœur d'un humble serviteur, comme toi, Jésus.